Les papilles, les paroles, les végétariens obligent qu'à se vouloir copuler. Pour que j'ai dans l'air à des bons à rien. Petit you can choice, t'es pas obligé. Bonjour, je m'appelle Maria et j'aimerais bien savoir si tu veux sortir avec moi. Espèce de pouf, tu pues la touffe. J'suis pas un ouf, personne me touche. Espèce de pouf, pouf, tu pues la touffe, touffe. J'suis pas un ouf, ouf, personne me touche. La vie pisse par le cul. Quatre raisons universelles dans ma grande exige. Arrête de niquer, fais de la beauté. Arrête d'y penser, espèce d'obsédé. Sur le tableau noir de l'école, les fantasmes des gamins se dévoilent. Putain, je trouve ça malsain, je supporte pas. Niquer, niquer, niquer, ils ne pensent qu'à ça. Les papilles, les paroles, les végétariens obligent qu'à se vouloir copuler. Pour que j'ai dans l'air des bons à rien. Petit you can choice, t'es pas obligé. Arrête de planter ces culs de filles. Les ovules surpassent cette perversion planétaire. Elles ont pas de saisie, une fois mauviette. Une fois par mois du sang plein la quéquette. Je voudrais que ce sang mette à leur véhicule.